Tortoni et Arbatax. Un jour on l'aura dans l'oignon. Ladies and gentlemen, here comes the story of the funny guys. Funny guys with the gap on earth, they're coming for fun. Funny guys with the gap on earth, they're coming for fun. Funny guys with the gap on earth, they're coming for fun. Funny guys with the gap on earth, they're coming for fun. L'agenda Q. L'agenda culturel. L'agenda culturel, c'est ça, c'est ça. Il est de retour lui aussi, il est de retour. C'est parti. Le retour de l'agenda culturel. Voilà, juste pour resituer, on est sur une spéciale folie, folie, folies. Pas facile à situer ça, la folie. Voilà, non. Entre l'hémisphère droit et gauche. Voilà. Un peu des deux. Voilà. Et voilà, vous écoutez Tortoli Arbatax, vous écoutez Radio Panique, et c'est l'heure de l'agenda culturel. On va brosser dans le sens du poil. Voilà, toute la semaine, en partant dans un sens chronologique, hein, autant que faire se peut. Et donc, de mardi aujourd'hui, mardi 3 mai, jusqu'à mardi prochain. Je prends la parole sur ce mardi 3 mai. Est-ce qu'on a l'aide de la grande folle, des guillemets? Ah oui. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Mais elle est là, la folle. Eh ben une ce grande soir juste après. Et ouais, il y a une grande folle. Il y a une folle au botanique ce soir. Sandra Kim. Ah ok. Oui monsieur, Sandra Kim. On sait Kim. Qu'elle était aux Folies Bergères. Ah non. Non non. Non. Elle est pas aux Folies Bergères. Et elle est à 20h. En fait, elle est à 20h. Voilà. Et elle est surtout connue pour avoir gagné l'Eurovision. Je ne sais plus. 84, 86. Je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus. Dans son jeune âge, et elle chantait J'aime la vie. On lui a fait un petit big up il y a quelques semaines. Ah oui, à l'époque. Voilà. Voilà. Non, ça me revient. Ça, ouais, c'est génial, génial. C'est tout pour ce soir. Ok, c'est tout. Très bien. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Bonne petite soirée demain, bonne petite soirée du côté de 1060 Saint-Gilles. Il y a le centre culturel Jacques Franck qui organise une petite soirée autour du film 93 La Belle Rebelle, qui est un film documentaire et qui retrace 50 années de révolte à travers la musique dans le 9-3, dans le 93. Ah, en région parisienne. Voilà, et c'est un documentaire de Jean-Pierre Thorn, un documentariste français, donc qui sera là. Et la projection du film, ça sera suivi par un débat sur le rôle de la musique dans les débats sociétaux, et puis petite surprise, la grande folle de Dynasty, le vieux DJ français. Ah, ça c'est de la folie. Il sera là, Dynasty, donc un des premiers DJ français, voire le premier DJ français de l'histoire. Celui qui a fait partie des protagonistes qui ont lancé le hip-hop en France et en Europe. Exactement. Et il nous fera un petit mix à la sauce funky. Donc bonne petite soirée en perspective. Mercredi 4 mai au Centre culturel Jacques Franck, en bas de la chaussée de Waterloo, pas très loin du parvis de Saint-Gilles. Une place bien connue, une place folle. Une autre place folle également, c'est le Recyclard. Et il y a Marc Ribos and Ceramic Dogs au Recyclard. Et donc c'est 8 à 10 euros si c'est sur place, 8 euros en pré-vente. Et c'est à partir de 21h, Marc Ribos, Ceramic Dog, c'est un groupe anglais. Non, pas anglais, américain. Putain, je l'avais bien noté. Oh la folle. J'avais bien noté en gros, tu sais, genre US. US, voilà. Voilà. Des US. Anglais. Voilà, des anglais. Des américains, quoi. C'est pareil. Bah, voilà. Ça va. T'écris tellement mal UK, US. Ils parlent pas français, quoi. Ouais, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, ça c'est le mercredi. Il y a un autre petit truc, mais qui est sold out, et c'est à la chocolaterie, c'est What the Future. Enfin voilà. Voilà. On en parle pas. Tu veux en parler? Non, mais je pense que ça a été. Dr Quest a assez saucé, je pense. Voilà, il a mixé du What the Future il y a quelques instants, juste avant nous, dans son Quest for the Beat, dans son émission. D'ailleurs, qu'on a un petit peu interrompu. Malgré nous. Mais accroute-moi. Mais à coup de pas, Dr Quest. T'étais parfait jusqu'à ce qu'on arrive. Désolé. Passons. Allez, au jeudi. Next. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. Ah, jeudi, oui. Jeudi, t'as quelque chose? J'ai rien, moi. Niente. Niente. Nada. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Pour commencer bien le week-end. Yeah! Alors là, bon, s'il y avait une date à retenir dans cette semaine, ce serait celle-là. Une semaine un peu folle, et ben il y a ce soir qui est. Je pense que si celle-là on oubliait d'en parler, je pense qu'on se ferait. Tout simplement par nos amis du Ziné Club, parce que le Ziné Club, tu n'arrives toujours pas. Non, je ne l'ai pas. Décidément, je ne l'ai pas. Mais bref, les folles et les fous et les folles du Ziné Club, ils organisent leur premier anniversaire. C'est mignon. C'est trop mignon. Donc voilà, gâteau, ballon, bisounours. Vas-y, il y aura des petites courses avec des cuillères et des œufs comme ça, faut les faire tenir. Ah, il y aura. Trop bien. Il y aura des. Il y aura plein des de ballons trucs, de baudruche avec, ouais, de la farine dedans. Voilà. Ah, trop bien. Il y aura, cool, tu sais, les trucs où tu dois prendre une pomme dans un saladier plein d'eau avec ta bouche comme ça. Ah, yes. Tac. Moi j'attends le quart d'heure américain. Il y aura le quart d'heure américain. J'irai faire des smacks dans la chambre des parents. Tranquille. Voilà, bon bref, cesse de plaisanterie. C'est leur premier anniversaire au Ziné Club. Voilà, et comment ça se passe? Et ben cette fois-ci c'est donc vendredi, on est bien sur vendredi puisqu'ils ont l'habitude de faire leur soirée le mercredi, mais là c'est vendredi 6 mai. Et donc ils passeront en début de soirée à partir de 19h au cinéma à Ramberg. La boisson, la 6 mai. La 6 mai. Ben voilà le jeu de mots qu'on cherchait pour préparer cette émission. On l'a enfin. Putain, mais ça sert à quoi de préparer? Tellement tout galère. Tout vient. Voilà. Tout vient, tout honneur. Oh là, et donc, on parlait du film All Tomorrow's Parties, donc qui en fait est un documentaire réalisé sur plusieurs années par plusieurs. Ils ont récolté toutes les images qu'ils ont pu avoir sur ce festival qui est en fait un festival musical en Angleterre. Oh, il y a la folle en régie là qui essaie de me tuer. Non, continue. Donc, d'accord. Voilà, donc, je récapitule. All Tomorrow's Party, c'est un festival en Angleterre. Ce documentaire retrace l'histoire de ce festival et tout ce qui a pu s'y passer sur plusieurs années. Et donc, apparemment, c'est super bien puisqu'ils l'ont sélectionné et leurs sélections sont toujours parfaites. Et non, loin d'être full bactéries. Oh. Et, il me fait une petite pub en passant. Dédicace. Et voilà, donc je rappelle, donc suivi d'un petit verre juste après, donc c'est 5 euros. Mais où se passe le film? 40, cinéma à Ramberg, galerie la Reine ou du Roi. La Reine ou du Roi. Peu importe. un fou, une folle. Et voilà. Et ce qu'il y a de bien pour leur anniversaire, c'est qu'ils font une after party. Et ensuite, tout le monde traversera gentiment la Grand Place pour se rendre aux Bonnes Feuilles et pour continuer la soirée autour du thème cinéma versus music. Et donc, voilà, y a, ça, c'est le thème de la soirée. C'est gratos, vous pouvez tous aller aux Bonnes Feuilles aussi, célébrer le Ziné Club, leur premier anniversaire. Et plein de DJ sont là. Et... dont DJ Sofa, me semble-t-il. Mais voilà. Je pense qu'apparemment, il y a une petite surprise pour aller de Cinéma Arenberg aux Bonnes Feuilles. Enfin voilà, ils nous ont dit surprise. Des fauteuils roulants, des voilà, civières, des toutes sortes de, des ambulances. De moyens de mobilité, mobilité douce. Peut-être en train, on ira, on sait pas. On ira. Voilà. Suivant. Suivant ? Ah bah pardon, j'étais bien prêt. Ah non, attends, j'avais un truc aussi. Et vous savez quoi ? Il y a Ja Rule qui passe à Liège. Ah, c'est voilà, bien. ça me fait rien. Ja Rule qui nous avait fait le What's Love là avec Jennifer Lopez. Ouais, c'est ça. Ah, okay. Non, ça c'est Tina Turner, autant pour toi. Autant pour toi. Bah, je le prends pour moi alors. Ça va. Non, ouais, Ja Rule, il sera au M Club ce vendredi à Liège, voilà, pour ceux qui veulent. Music Club peut-être. C'est drôle. C'est fou, hein. Ok, mais moi j'ai quand même un truc. Le vendredi, c'est l'ouverture du Kunsten Art Festival. Voilà, toutes les grandes bannières orange qu'on voit dans la ville de Bruxelles. C'est le Kunsten Art Festival et ça se déroule pendant 15 jours, 3 semaines. 3 semaines, il me semble. Et c'est dans différents lieux, dont le KVS. Et voilà. Et la soirée d'ouverture a lieu au Ritz. C'est le café Ritz, c'est rue Antoine Dansart, me semble-t-il. Et c'est gratuit. Ne me cherche pas du regard pour t'aider là-dessus. Ah non, c'est mort. Je n'ai aucune information. Je passe au samedi, tranquille. Vas-y. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever? Bien sûr, Guillemette, bien sûr. Le samedi de folie, quoi. Toujours, le samedi, c'est la folie. Un samedi de folie! Non, samedi, je n'avais rien d'autre qu'à vous signaler le Bruxelles Short Film Festival, hein, qui a déjà commencé, mais qui sera sur son dernier week-end. Donc, le festival des courts-métrages qui se passe entre le cinéma Vendôme, la place Fernand Coq, Flagey, Beaux-Arts, etc. Et donc, il sera sur son dernier week-end, en fait. C'est jusqu'au dimanche. Donc, samedi, vous pouvez toujours aller vous voir une petite soirée de courts-métrages. Très bien. Si vous voulez. Bah, moi, je n'ai rien le samedi, passons au dimanche. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs Dimanche, il y a un truc. Dimanche, c'est pique-nique. Pique-nique électronique, ouais. Les pique-niques électroniques, c'est Place d'Espagne. Oh là, je les entendais là bouger. Ça y est, il y a une espèce de folie dans les studios, là. C'est n'importe quoi. Et donc, c'est sur la Place d'Espagne, pique-nique électronique, c'est tout l'après-midi jusque tard le soir, enfin, jusque dans la soirée. Et il y a du gazon qui est. Ça, c'est important. Il y a du gazon qui est posé par terre. Donc voilà, on peut bénéficier d'herbe à ses pieds et danser en même temps au rythme des boum boum et des tac tac. D'accord. Voilà, you know. Et pas des pieds d'herbe. Non, de l'herbe à ses pieds. Oui, de l'herbe à ses pieds, oui, okay. Ne pas confondre. Très bien. Ça va, ça le fait. C'est la fin de cet agenda culturel ou pas ? Elle est belle comme ça. Voilà. C'est bon. On repart sur un petit son. Tortoli, je te laisse le choix. Je me laisse. Je te laisse le choix. Voilà, si tu veux. Attends, on va voir si tu. Allez, je... Ah. Alors. Bah, c'est très simple. Hein, c'est très simple. Ça s'appelle Comme des fous. Et c'est le BOSS de Joey Starr. Rappelez-vous. Bien joué. Radio Panique. Triple zéro, plus rien peut se passer. Le truc qui nique tout, c'est qu'à tout qui fait qu'on sature. Tellement de pression que quand je rappe, faut que ça tue. Rien à perdre, chacun veut garder sa thune. Un inédit, j'aille épaté, faut que ça tourne. C'est fuck celle qui se moque cocaine. Tellement hâte que pour m'avoir, faut se moque cocaine. Rien à foutre de tout, je me fous de tout et c'est tout. J'ai l'atmosphère qui t'étouffe, dis-moi qui t'écoute. Violence sans cesse, mon rap sans le sexe. L'école est là pour élever ton mental. Le talus pour enlever ton métal. Partout les faits divers s'étalent, partout ça parle de flingue de métal. Nouveau millénaire, mec, faut bien qu'on style. Et tout part vite en couille comme faire grand freestyle. Même ghetto, même but, même bédo, même but. L'argent n'a pas d'odeur, parle plus d'authenticité. Demande aux psys, aux grandes tacités, ce qu'ils pensent de leur avenir. Un 999 apocalypse, à leur avenir dur d'effacer. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis juste un sale gosse de 20 piges qui bosse pour scandale et qui agit avec stratégie. Faut que t'imagines la scène comme au ciné. Un film signé Fracap et Jive, pour tout calciner. L'enfer est sur terre, t'as vu?

bless my name and bless my aim. Then comes the rain, then comes the rain. I use my patient brain. Then comes the rain, then comes the rain. Brain. I am a psychiatrist in the rain. I'm a psychiatrist, I heal brain. I'm a psychiatrist, I heal good aim. I am a psychiatrist from whence I came. Many moons, many moons, many moons, many moons. Heal your pain, bless your brain, bless your name from whence you came. I'm a psychiatrist. I'm a psychiatrist.